service à la population française. Article 27, 28, 29 de la Constitution française de juillet 1793. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. L'insurrection. J'ai fait un rêve. Le rêve que le peuple par la rue se soulève. Tout travail mérite sa grève. Tout tyran mérite de périr par le glaive. Trêve d'esclavage, écoutez donc cet adage. Grève générale pour faire couler le capital. Grève générale pour faire couler le capital. Car pas d'économie sans travailleurs, ces artilleurs d'une trop sale guerre, à la faveur du sacro-saint profit sacrifié. Mais du sang de ces martyrs, on fera la meilleure semence. D'une mauvaise herbe à la sève acerbe que je vous offre à pleine gerbe, oui, résistante. Aux intempéries répressives des temps de crise, résistante. Au désert aride, liberticide, d'une sado-démocratie dont le dégoût me rend lucide. Avide de vérité, pas celle qu'on nous assène, en guise de crudité, en feuilles de chou, dans tous les JT, partout. C'est l'insécurité sociale, tout le monde s'emballe. Quand Sarko dit qu'il y a trop de désordre en France, mais Sarko, comment ? Je pense qu'il y a trop de képi. Franchement, le désordre, c'est quoi sinon l'ordre moins le pouvoir ? Voilà le fin mot de l'histoire, alors ça recommence avec la France d'en bas, mais c'est quoi Charabia ? Oh, regarde à toi, Mister Rastafarin de Villepin, je ne sais quoi. Le troisième sous-sol remonte à la surface. L'ascenseur social en panne depuis belle lurette. Viens pas nous casser les burettes avec tes concepts, tes symboles à deux balles. Remballe tes bonnes manières, tes discours moralisateurs. Les arpenteurs de faubourg sont descendus. Les toqués de la cocarde sont dans la rue. Ils ont faim à bouffer du macadam. Encore, encore, ils viennent détrôner, mettre au rebut les vieilleries républicaines. Ils viennent ouvrir la boîte de pan d'or des porcs qui s'engraissent sur le dos d'une sado-démocratie par les urnes, démocrature par la thune. Mais à chacune des voix spoliées, on répondra avec rancune, sans aucune sorte d'hésitation. Agissons, désobéissons, proclamons désordre, insoumission. Agissons, désobéissons, crachons à la face des nations. Agissons, désobéissons à ceux qui se servent du peuple au lieu de le servir, qui l'asservissent au lieu de se mettre à son service. Mais chaque sévice infligé sera rendu au centuple à coup de trique, atmosphère électrique, 100 000 volts par tête de pipe, un désespoir tellement fort qu'il en devient presque palpable, capable de pousser à la révolte les indigents, devenus invisibles, inexistants aux yeux de dirigeants, trop désinvoltes. Mais qui sème la misère, récolte la colère. Je suis la mauvaise graine, mauvaise herbe qui te gangrène, que vienne enfin l'heure de la récolte, que ma révolte soit reine. Je suis la mauvaise graine, mauvaise herbe qui vous gangrène, quand bien même ma révolte serait vaine, le réveil en vaut la peine. Le réveil en vaut la peine. Alors, je piétine vos blés d'or. Thermidor pointe sa grise mine. Terminé de Midor, tout le monde dehors. Debout les médors, éteignez, télé, transistor. L'hiver sera chaud, thermostat maximum. Mais la connerie atteint des summums. Alors coup de barre à bâbord, oui, pour un autre monde, il va falloir en chier les mecs, à s'en faire péter le rectum, pour se purger de tout ce qu'on consomme. Sevrer le peuple de son opium. Le droit à l'insurrection. Un devoir.